Amis humains, bonjour. Troisième volet de « Nous assistons à l'écroulement d'un monde, des forces immenses sont sur le point d'être déchaînées ». Entretien avec Frédéric Lordon. Frédéric Lordon est économiste. Il est directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de sociologie européenne, CSE. Comédie sérieuse sur la crise financière. En quatre actes, et en alexandrin, Seuil, 2011, Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, La Fabrique, 2010, et L'intérêt souverain. Essai d'anthropologie économique, La Découverte, 2011. Il a accordé un long entretien à la revue des livres fin décembre 2011. Il nous livre ses commentaires et analyses de la crise économique actuelle et de ses origines. Avec un ton incisif et un regard acerbe, il revient sur les causes et effets de la crise elle-même, mais commente également le traitement de l'économie par les médias, la place de l'économie au sein de l'institution universitaire. Et l'éventuelle sortie de l'euro, sonnant le glas du projet néolibéral, l'actualité est, nous dit-il, une occasion unique de changement profond, un monde s'écroule sous nos yeux. Il est bien certain que, sous couleur de grande intégration économique mondiale, malmener les corps sociaux comme l'aura fait la mondialisation présente, avec en prime le discours de l'évidence cosmopolite de la nouvelle oligarchie, naturellement doublé de son mépris moralisateur pour les frileux et les repliés sur soi, est le plus sûr moyen de faire enrager les gens. Quand les salariats nationaux sont objectivement placés en situation d'antagonisme, par exemple par la férocité des formes variées de la concurrence, concurrence commerciale ou bien concurrence des territoires par les standards sociaux, il faut vraiment la candeur universaliste, pour ne pas dire la bêtise scolastique, des intellectuels pour aller leur faire la leçon sur le thème des horizons radieux du cosmopolitisme. Et il est inutile d'en appeler à leur sens des solidarités internationales quand les conditions institutionnelles concrètes de l'internationalisme présent ont méthodiquement détruit ces solidarités. Comme toute chose, l'internationalisme et le dépassement des nationalismes ont leurs conditions de possibilité, et ce sont avant tout des conditions matérielles. À tout le moins, votre question pose le problème dans ses termes pertinents, les termes de la constitution et de la composition, positive ou négative, des affects communs. Il y a des affects communs d'appartenance nationale, et à leur propos il vaut mieux se tenir à la leçon de Spinoza, ni déplorer ni détester, mais comprendre. Et il y a aussi de possibles affects communs de classe. C'est toujours la même question, celle des découpages, compartimentaux ou transversaux, selon lesquels se constituent les rassemblements. Quand ces derniers prévalent sur les premiers, ça peut en effet donner la première internationale. Mais quelles sont les conditions de cette prévalence? Je ne crois pas qu'il y ait de réponse générale à cette question. Si l'on envisage par exemple la question à l'échelle globale de la mondialisation, on pourrait dire que la dynamique ascendante du salariat chinois lui crée trop d'intérêt à la continuation d'un régime de croissance pour le retirer par les exportations, et donc, plus largement, à un régime non coopératif du commerce international. Pour que l'affect commun transverse l'emporte sur les affects communs nationaux et que se fasse jour le sentiment d'une solidarité de classe qui puisse réunir les salariats de pays différents, il faut préalablement les sortir du rapport d'antagonisme objectivement configuré par les structures économiques présentes, tels qu'ils arrivent à leurs intérêts respectifs sans la moindre perspective de leur dépassement spontané. D'abord parce que les agents ne suivent jamais que leur ligne d'intérêt et que leur demander de s'en écarter est un songe-creux s'ils ne leur aient pas proposé des intérêts de substitution. Solidarité n'est que l'autre nom d'un alignement ou d'une compatibilité d'intérêt, où la notion élargie d'intérêt ne renvoie pas exclusivement à des intérêts matériels, mais les comprend assurément. J'aurais ainsi tendance à penser qu'un régime de protectionnisme modéré qui créerait pour l'économie chinoise les incitations à cheminer plus vite vers un régime de croissance auto-centré, tiré par la constitution d'un marché intérieur, ferait bien davantage et pour les salariés chinois et pour la possibilité de solidarité salariale internationale que tous les appels moralistes aux vertus de l'internationalisme abstrait. Car voilà le drame de cette idée internationaliste, je me demande si on ne peut pas en dire ce que Deleuze disait des droits de l'homme, c'est un gros concept, gros comme une dent creuse. Son abstraction le voit entrer dans la catégorie de ce que Spinoza nomme les idées générales, un être d'imagination qui flotte en l'air sans aucun ancrage dans des situations historiques concrètes. Et de plus en plus, la discussion internationaliste séparée de ces cliniques affectives particulières m'apparaît comme un parfait non-sens. Que dit alors la présente clinique européenne ? Que rien n'interdisait a priori de penser la constitution d'une union monétaire à moins qu'on ne lui donne la pire configuration possible, celle de Maastricht-Lisbonne. Pour toutes les convulsions qui s'ensuivraient, l'éclatement de l'euro aurait au moins le mérite de nous débarrasser de ce fléau institutionnel et de recréer les conditions d'une construction alternative. L'opportunité sera-t-elle saisie ? Et si oui, par qui ? La seule chose que l'on puisse dire est que le départ de l'Allemagne ôte la difficulté principale, celle qui venait d'avoir soumis toute la construction aux obsessions idiosyncratiques d'un seul, encore une question d'affect collectif et de leur compatibilité, d'où avait suivi l'indépendance de la banque centrale. L'exposition par principe des politiques économiques au marché de capitaux, leur encadrement par des règles automatiques antidémocratiques. C'est le jeu de cet agencement institutionnel, dont nous voyons aujourd'hui les résultats tragiques, qui a fini par rendre cette monnaie européenne, et non l'idée d'une monnaie européenne en soi, odieuse au peuple à raison. Pour peu qu'on leur propose un agencement institutionnel qui les soustrait à la maltraitance économique et politique de l'euro, une nouvelle monnaie européenne pourrait en principe voir de nouveau le jour, dans la foulée même de la précédente. Quand on y pense, le cahier des charges est assez simple, il se déduit par inversion radicale des caractéristiques de l'euro actuel, et a en fait pour unique ligne directrice le respect scrupuleux du principe de souveraineté. En clair, exclusion des marchés financiers du financement des déficits publics, c'est à dire de leur effraction comme tiers intrus au contrat social, soustraction des politiques économiques à des règles automatiques et restitution à des institutions politiques unifiées entièrement souveraines, annulation du statut d'indépendance de la banque centrale, remise dans le périmètre de la souveraineté démocratique. Et s'il ne se trouve ni volonté politique d'une telle reconstruction ni dynamiques affectives communes pour les soutenir, alors ce sera évidemment le retour aux monnaies nationales qu'il faut justement qualifier, non comme catastrophe nationaliste certaine, mais comme occasion manquée. On peut, et c'est mon cas, trouver préférable les projets de dépassement des actuelles nations puisque, sous les bons agencements institutionnels, ils augmentent les puissances individuelles et étendent les chances de paix. Mais s'il n'y a à choisir qu'entre, d'une part, des agencements générateurs de violences économiques et négateurs de la souveraineté politique, et, d'autre part, les solutions nationales, alors pour ma part je n'hésite pas un seul instant. Et tout ceci à la condition de voir au moins que les entreprises de dépassement ne sont finalement jamais que des projets de reconstruction de nations mais à une échelle étendue. Pour peu qu'on se soit donné comme boussole absolue le principe de souveraineté, c'est-à-dire avoir admis sa clôture intrinsèque, on peut nommer nation tout ensemble se proposant de le déployer. Partant, mieux se faire à l'idée que la nation ainsi redéfinie est un principe plastique mais indépassable, même s'il est toujours possible à ceux qui en ont le loisir d'en penser le point asymptotique la nation, monde, mais alors à la condition de ne plus prétendre faire de la politique dans la conjoncture présente. Comment le Chandet, rare, économiste français de gauche a-t-il été reconfiguré par la crise ? Pour la première fois il s'est organisé, et c'est un événement. Il s'est organisé sur deux plans. D'abord dans le registre de l'intervention dans le débat public de politique économique, ce sont les économistes atterrés. Sans doute y avait-il des économistes critiques prenant part au débat public, isolément ou dans des organisations comme ATTAC ou la Fondation Copernic, mais c'est la première fois qu'un groupe se constitue en qualité d'économiste. Et c'est aussi pour nous une manière de dire que la profession, très justement mise en cause pour ses incroyables carences, quand ce ne sont pas ses compromissions de toutes sortes, n'est pas entièrement virulée. Ensuite, les économistes de gauche se sont aussi organisés académiquement en créant l'AFE, Association Française d'Économie Politique, très délibérément démarquée de l'officiel AFSE, Association Française de Sciences Économiques, où l'on retrouve au passage que les différentes manières de nommer une discipline sont rien moins que neutres. plus encore que les intérêts, la fée signale, dans le registre le plus légitimateur, celui de la théorie économique, que la communauté des économistes n'est pas une. Elle indique également qu'il y a un lien entre les options intellectuelles dominantes dans le champ des économistes et la catastrophe générale qui se déroule sous nos yeux. Elle dénonce l'effarant manque de pluralisme d'un univers scientifique, pourtant en tant que tel réputé ouvert au débat intercritique. Je sais bien que ces choses peuvent sembler des considérations de boutique, bien faites pour n'intéresser que les incités du champ. Et en même temps il faut bien voir quelles en sont les conséquences très concrètes et très dévastatrices à l'extérieur. La science économique dominante a considérablement contribué à faire la finance contemporaine et les marchés financiers. C'est elle encore qui informe les politiques économiques d'austérité, son rôle dans le désastre historique est accablant. Fin de cette troisième partie. À bientôt, Biz Numérique.